Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gamozo pour Amado Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amado Décryptage épisode 4, c'est maintenant. Tout de suite, une expression, avoir bon dos. Supporter injustement la responsabilité d'une faute, servir de prétexte. Le dos représente ici la capacité de porter des fardeaux, mais aussi de recevoir des coups. Bon dos indique la bonne volonté. Avoir bon dos, c'est avoir la capacité d'encaisser sans broncher les reproches injustifiés. Au sens propre, avoir bon dos aujourd'hui est une exception. En revanche, le mal de dos est devenu une question de société. Je cite, « Les conversations tournaient autour des mêmes sujets convenus. 100 fois entendu, l'époque avait bon dos. Les idées devenaient de plus en plus confuses. Et ne parlons même pas des idéaux. » Michel Fitoussi, le dernier qui ferme la porte chez Grasset 2004. Du point de vue anatomique, le dos se divise en deux parties, la région dorsale et la région lombaire. La région dorsale est rarement le siège de douleur, car elle est très stable. La région lombaire, le bas du dos, est couramment désignée à tort comme les reins. Elle fonctionne quant à elle comme une charnière et c'est de là qu'en proviennent la plupart des maux. Le mal de dos est ainsi le plus souvent une douleur lombaire, que l'on nomme aussi lombalgie ou lumbago. Un grand nombre de lombalgies simples n'ont pas d'explication. Les radios et les prises de sang sont normales. Dès lors, la plupart des traitements sont inefficaces. C'est dans ce cas où l'expression « avoir bon dos » nous donne une indication. Toutes ces lombalgies ne seraient-elles pas dues à des reproches injustifiés, des responsabilités trop lourdes ? Passons maintenant, si vous le voulez bien, à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Lynch. Pourquoi ce juriste est-il associé au lynchage ? Nous sommes le mardi 16 août 1870, aux abords du petit village d'Hautefaille, vit Alain Domonnet. Le jeune homme de 28 ans se rend à la foire du village pour acheter une génisse pour sa vieille voisine et trouver un couvreur pour réparer le toit délabré d'un de ses voisins. Aimable et serviable, c'est une personne appréciée du village. Et pourtant, quelques heures après être arrivé à la foire, le bon Alain sera battu et ferré, aura les yeux crevés à coups de fourchette et terminera mangé par la foule. Complètement fou, les habitants du village dévorent en effet les viscères du pauvre homme. La famine fait alors rage dans la région, certes, mais cela n'excuse rien. Qu'a-t-il bien pu se passer ? À cette période, la France est en pleine guerre contre la Prusse. Après avoir fait une malheureuse plaisanterie à ce sujet, le jeune homme est accusé par la foule de soutenir l'ennemi. Même les gens n'ayant pas assisté au débat, au début de la scène, sont persuadés de la culpabilité. Les esprits s'échauffent et voilà le pauvre garçon submergé par la masse. Victime d'une atroce méprise, Alain est ainsi la cible du lynchage le plus célèbre de l'histoire de France. Vous l'aurez remarqué, on dit bien lynchage et non monnaisage ou monnaissage. Monet n'aura donc pas laissé son nom à cette justice expéditive et cruelle qui l'a tué. Et pour cause, c'est précisément parce que quelqu'un d'autre l'avait fait avant lui. Charles Lynch. Cet Américain né en 1736 a plus de chance que le pauvre Alain. Il ne finit pas dévoré par ses semblables, mais meurt paisiblement chez lui à l'âge de 60 ans. Entre-temps, Charles Lynch fera parler lui notamment pendant la Révolution américaine où il s'illustre comme juge de paix. Cet euphémisme désigne des procès parallèles à la justice légale et à la fois plus proche du peuple. Ces tribunaux étaient déjà monnaie courante dans les territoires peu peuplés. Avant Lynch, cette pratique s'appelait en France la loi du gibet, ce qui montre bien son caractère pour le moins radical. Dans l'Amérique, alors en pleine révolution, il fallait faire vite. Matteucci qui soutenait encore les Britanniques et assurait la victoire indépendantiste. Lynch institua une loi à son nom, autorisant la tenue des tribunaux expéditifs. Une fois réunis, si les jurés déclaraient l'accusé coupable, l'exécution suivait immédiatement la sentence. Le problème de cette justice, connue sous le nom de lynchage dans le dictionnaire anglophone et francophone dès le milieu du 19e siècle, c'est qu'elle est loin d'être objective. Impliquée corps et âme dans les procès, les jurys n'étaient souvent pas de grands juristes ni de grands philosophes et laissaient facilement emporter par leurs émotions. Le terme a acquis par la suite une dimension politique et historique, d'autant plus forte par sa référence au lynchage de la population noire dans le sud des États-Unis. Voilà, c'est ainsi que s'achève Amadou Décryptage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit sur Radio Gemozo. Passez une excellente journée sur nos antennes. Bye bye.